Ma chère maman, laissez-moi parler, car je suppose que mon avis compte aussi dans cette affaire. Ce mariage engage toute ma vie, n'est-ce pas? Permettez-moi, prince, de vous demander si vous êtes toujours décidée à m'épouser. Et dans ce cas, que pensez-vous faire exactement pour me rendre heureuse? Je ne sais pas ce que je dois vous répondre, Aglaé Ivanovna. Et faut-il vraiment vous répondre? Votre question soulève plusieurs problèmes, les uns plus difficiles que les autres. Vous semblez bien intimidé, prince. Je vous aime, Aglaé Ivanovna. Je vous aime beaucoup. Je n'aime que vous, mais je vous supplie de ne pas plaisanter. Oh, je ne plaisante pas, prince. Il s'agit d'une chose trop importante pour que je la prenne à la légère, mais il faut bien envisager le côté pratique de l'affaire. Veuillez pour commencer nous dire quelle est votre situation pécuniaire. Oh, Aglaé, arrête-toi là. La brutalité de ton langage m'afflige. Ce n'est pas ainsi qu'on traite le problème du mariage, fort délicat en soi. Elle est folle. Ne l'écoutez pas, prince. Ma situation pécuniaire. Vous voulez que nous parlions d'argent, Aglaé Ivanovna? Oh, mon Dieu, quelle honte! Précisément, mon cher prince, je veux que nous parlions d'argent, pour commencer. J'ai 35 000 roubles. Seulement? Enfin, nous économiserons. Avez-vous l'intention de travailler? Je voulais me présenter à un examen pour devenir professeur. Cela augmentera nos revenus. Croyez-vous, en embrassant la carrière de professeur, pouvoir devenir un jour gentilhomme de la chambre? Gentilhomme de la chambre? Je n'y ai jamais songé, mais je peux me présenter à cet examen-là aussi. Oh mon Dieu! Vous allez me faire mourir de rire! Oh, je m'en vais! Adieu, prince! Oui, je savais bien que tout ça n'était que plaisanterie, je le savais dès le début. Le hérisson qu'Aglaé vous a envoyé, prince, ne me disait rien qui vaille. Ah non, je ne le permettrai pas! Je ne veux pas qu'on vous tourne en dérision, Léon Nikolaïevitch. Aglaé, ma fille, c'est entendu. Cependant, ah, elle va voir de quel bois je me chauffe. Oh. Tout cela est affreux et grotesque à la fois, Léon Nikolaïevitch. Pouvais-je imaginer une chose semblable? Et toi, pouvais-tu prévoir un tel esclandre de la part d'Aglaé? Je constate simplement qu'Aglaé Ivanovna s'est moquée de moi. Mais attends, petit frère, attends, ne nous emballons pas. Explique-moi d'abord comment tout cela est arrivé, ce que tout ça signifie. Tu comprends, prince? Je suis quand même son père. Et je voudrais m'y retrouver. Aide-moi à le faire. J'aime Aglaé Ivanovna et elle le sait. C'est singulier, c'est une véritable surprise pour moi. Oh, je ne te parle pas de ta fortune, que je croyais cependant beaucoup plus importante. Non, non, le principal pour moi est le bonheur de ma fille. Es-tu capable de faire son bonheur? Voilà. Par ailleurs, dis-moi, prince, est-ce une plaisanterie de sa part ou est-ce sérieux? Je m'y perds, moi, tu comprends. Je sais que tu es prête à l'épouser, mais elle, prince, est-elle prête à se marier avec toi? Qu'est-ce que c'est? Madame la générale, vous pourrez la rejoindre dans la chambre d'Aglaé Ivanovna, mon général. Ah, c'est encore toi, fripouille. Eh ben, entre. Je vais te corriger avec ma propre canne, cette fois. Je le ferai plus tard, mon général. Rien ne presse. Pour l'instant, si j'ai un conseil à vous donner, en toute humilité, bien entendu, c'est de rejoindre Madame la générale sans délai. Autrement, elle va vous en cuire. Madame la générale est d'une humeur massacrante. C'est bon. Allez, va-t'en. Cette canaille de Guérassim a raison, prince. Je ferai mieux de ne pas m'attarder avec toi. Mais toi, ne t'en va pas. Attends ici, hein? Attends que je revienne. À tout à l'heure, mon cher, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Lorsque le général Yepanchin pénétra dans la chambre de sa fille Aglaé, il la trouva dans les bras de sa mère, Elisabeth Prokofievna. Eh bien, que fais-tu de nous, cruelle gamine? Tantôt tu ris, tantôt tu pleures. En vérité, tu nous mènes par le bout du nez et tu nous laisses ignorants de tes vraies intentions à l'égard du prince. Ma chère enfant, confie-nous ton secret. Ne sommes-nous pas tes parents? Aimes-tu vraiment ce jeune homme? Vous voulez savoir, papa, si j'aime le prince? Je ne peux pas le sentir, voyons. Et si vous le permettez, papa, je vous parlerai sérieusement. M'entendez-vous? Tout à fait sérieusement. Ce jeune homme, enfin, si je veux dire, le prince... M'importune. Voilà, c'est tout. Oui, mais enfin, si c'est ainsi, mon ange, tu es libre d'agir à ta guise. Cependant, je te rappelle que le prince nous attend seul dans le salon. Ne vaudrait-il pas mieux lui faire comprendre délicatement qu'il peut se retirer? En tout cas, c'est mon opinion, mais agis comme tu l'entends. Lui faire comprendre qu'il peut se retirer, papa? Oh non, non, ce serait aller trop loin. Surtout si on le fait délicatement. Non, je veux présenter mes excuses au prince, car je l'ai offensé, il me semble. Il te semble? Sais-tu que tu l'as offensé vraiment, ma chérie? Alors il vaut mieux que j'aille le rejoindre, et que je lui présente mes excuses sans témoin. Restez ici, papa, avec maman. Je vous rappellerai dans quelques minutes. Oh, oh non! Non, je ne pourrais pas me retenir, j'éclaterai de rire. Mais veux-tu que j'aille à ta place? Ou moi, Aglaé? On ton père manquerait de la douceur nécessaire dans ce genre d'affaires. Et pourquoi ne pas le dire franchement, de tact? Non, maman, ni vous ni papa. La coupable, c'est moi. C'est donc à moi de demander pardon, frère. L'attitude d'Aglaé est bizarre, incompréhensible. Même qu'en pensez-vous, Elisabeth Prokofievna? Rien. Ou plutôt, j'ai peur de le dire. Mais encore, chère amie. Notre fille est amoureuse du prince. Vous n'avez pas encore saisi cela? Ah, mais dans ce cas, toutes les choses s'expliquent d'elles-mêmes. Que Dieu bénisse Aglaé. En effet, il ne lui reste plus qu'à implorer la bénédiction du Seigneur. Allons les rejoindre dans le salon. Lorsque la générale Yepanchine et son mari réintégrèrent à leur tour le salon où ils m'avaient abandonné seul, Aglaé, l'air intimidé, me disait: pardonnez donc à une jeune fille son comportement irréfléchi envers vous. Oui, prince, si je me suis permis de me moquer de votre bonté et de votre belle simplicité, c'est uniquement parce que je suis sotte et méchante. Mais ceci dit, vous devez comprendre que notre projet de mariage ne peut et ne doit avoir aucune suite. Je comprends, Aglaé Ivanovna. Vous n'avez pas à vous excuser. Cependant, je poursuivais mes chimères, insensées que j'étais. C'est donc à moi d'implorer votre pardon pour mon audace et ma légèreté. Alors c'est très bien, prince. Vous pouvez, comme par le passé, nous rendre visite et, si le cœur vous en dit, m'accompagner dans mes promenades. Et maintenant, allons prendre le thé. Alexandra et Adélaïde sont déjà installées dans le grand salon. Maman, vous autoriserez bien le prince à nous tenir compagnie? Je n'entendis pas la réponse d'Elisabeth Prokofievna. Tellement j'étais ému à la pensée de pouvoir de nouveau venir chez les Yepanchine et me tenir près d'Aglaé. Et encouragé par elle, je parlais presque seul toute la soirée. De quoi, je ne m'en souviens plus. Je me rappelle seulement que je réussis à dérider le général, à faire sourire Elisabeth Prokofievna et les deux sœurs d'Aglaé. Quant à Aglaé, elle ne prononça pas un mot de toute la soirée. Elle ne sourit ni ne rit non plus. Mais elle gardait constamment son regard fixé sur moi. Et sous ce regard attentif, je me sentais comme enivré, comme détaché de la terre. Soudain, j'entendis Elisabeth Prokofievna, assise à ma droite, murmurer à son époux, le général Yepanchine: regardez Aglaé et ne le quitte pas les yeux. Mais dites-lui qu'elle l'aime, et immédiatement, elle montera sur ses grands chevaux. Vous avez raison, Elisabeth. Aglaé aime le prince et lutte contre cet amour. Mais l'amour terrassera l'orgueil, et nous n'y pouvons rien. C'est la destinée. Hélas! Le lendemain, Aglaé se brouilla de nouveau avec moi, et pour une cause futile. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Ginette Taffin, Aglaé, Maurice Bénard, Gerasim. Avec Pierre Bertin, le général Yepanchine, et Gabi Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.